jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Fengelene betunu nyakono, mwate ine ate sira mwate fa. Atole ye tasuma. Walai, mako soro aya keleda botumana. Walai, aintobo aya kelenina de. Walai, mako soro ale keleda botumana. Walai, aintobo aya kelenina de. Badi. Vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Vos querelles sempiternelles font la louange de la gêne. Avec vos querelles personnelles, vous nous éclaboussez de votre haine. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Vous vous trompez de guerre parce que vous vous trompez d'adversaire. Et vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Mon fengé le nebe de nounia kono. Moi te sira, moi te fa, moi te iné. Alto le yeta suman.